j'ai tout donné, j'ai tout donné, j'ai tout donné. J'ai tout donné, j'ai tout donné, j'ai tout donné. Ah, ah, ah, ah. T'as pas l'air de me croire quand je te dis que c'est toi que j'ai choisi. Le temps que tu me fasses confiance, mon cœur a déjà moisi. Voulais plus que des mots, t'as eu des actes, mais t'es indécise. J'sais pas si tu joues ou tu me prends pour un imbécile. Dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour t'avoir à mes côtés. Facilite-moi la tâche, montre-moi le chemin qui débite à fierté. Comment te prouver que moi et ton ex c'est pas pareil. Oublie ces clichés, souris, ça me tendrait la pareille. Ma tête, mon cœur, mon être, j'ai tout donné, j'ai plus rien. J'ai tout essayé, j'ai tout donné, j'ai plus rien. J'ai plus quoi faire, j'ai tout donné, j'ai plus rien. Plus rien. J'ai tout donné, ma tête, mon cœur, mon être, j'ai tout donné, j'ai plus rien.